بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، on continue إن شاء الله تعالى l'explication du livre رياض الصالحين de l'Hafidh al-Nawawi rahimahullahu ta'ala, avec l'explication de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Et nous sommes arrivés au 19e hadith dans le chapitre At-Tawba, le chapitre du repentir. Et le Cheikh ensuite ici il cite un long hadith qu'on va lire inshallah et traduire petit à petit بإذن الله. وعن زر ابن حبيش قال أتيت صفوان ابن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين. الحديث rapporté par زر ابن حبيش qui était un tabi'i, c'est-à-dire un des élèves, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Zir ibn Hubaysh ibn Habbasha al-Asadi, al-Kufi, qui faisait partie des élèves de Abdullah ibn Mas'ud et de Ali ibn Abi Talib, et qui est mort en 81 de l'Hijra. Il rapporte qu'il est parti voir Safwan ibn Assal, qui était un sahabi, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a questionné à propos de l'essuyage sur les chaussons pendant les ablutions, ce qu'on appelle al-mash ala al-khuffayn. Faqala ma ja'a bika ya zir, faqultu ibtigha al-ilm. فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يتلو. الله أكبر. Il lui dit, Safwan, le compagnon, il dit à Zir, l'étudiant, qu'est-ce qui t'amène ici, ô Zir? Il lui a dit, je viens pour rechercher la science. Alors Safwan, radiallahu anhu, dit, certes, les anges posent leurs ailes pour l'étudiant en science, par agrément pour ce qu'il recherche, yani la science. فَقُلْتُ إِنَّهُ قَدْ حَكَّ فِي صَدْرِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَكُنْتَ إِمْرَأً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا. Alors Zir, il dit à Safwan, au compagnon, j'ai quelque chose dans mon cœur, on pourrait littéralement en arabe ce qu'il dit, il y a quelque chose qui me gratte dans ma poitrine, ce qui veut dire qu'il y a dans son cœur un doute, quelque chose qui n'est pas clair pour lui. Concernant quoi? Le fait d'essuyer sur les chaussons pendant les ablutions, après avoir fait ses besoins, la petite ou la grande commission. Et toi, tu es une personne parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors je suis venu pour te demander, est-ce que tu as entendu quelque chose de lui qui mentionne le sujet? Regardez les tabi'oun. Ils vont voir les compagnons directs, ceux qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va voir après dans l'explication tout ce qu'on retire comme enseignement de ce hadith. Là, on veut juste traduire le hadith pour l'instant. Qala na'am, kana ya'muruna idha kunna safran. أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول والنوم. Alors Safwan, il lui dit oui, yani oui, j'ai entendu quelque chose du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous ordonnait, si nous étions en voyage, de ne pas enlever nos chaussons, nos chaussures, ce qui se porte aux pieds. 3 jours et 3 nuits. Excepté si on est en état de janaba, yani de grande impureté, après un rapport ou après que le mani soit sorti. Mais on ne les enlève pas après avoir été aux toilettes, avoir fait les besoins naturels, akramakumullah, la première, la petite ou grande commission, ou après avoir dormi. Faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa shay'a. Alors ensuite, Zir, il lui pose une autre question. Là, il est devant un savant. Il est devant quelqu'un de science qui a connu le prophète, qui a rencontré le prophète, qui a partagé des moments avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il lui pose des questions. Et ainsi doit être l'étudiant en science lorsqu'il rencontre les savants. Lorsqu'il est avec les savants de la sunna, il pose des questions sur les choses qu'il ne comprend pas ou qu'il a des doutes. Il lui dit, est-ce que tu as entendu quelque chose à propos, yani, de l'amour? Qala na'am. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري جهوري عفوا يا محمد فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته ها أم فقلت له ويحك أغبض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا فقال والله لا أغبض قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم Alors il dit, oui, j'ai entendu quelque chose à propos de l'amour. Là, sa foi, il répond. Il dit, nous étions en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque nous étions avec lui, un bédouin l'a appelé avec une voix élevée, une forte, une voix haute. Ya Muhammad! Ainsi étaient les Bédouins. Les Bédouins, les gens du désert, ils ne fréquentaient pas les villes. Ils n'avaient pas le comportement des gens des villes. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu de la même façon, avec une voix haute. Et il lui a dit Ha'oum! Ce qui veut dire, comme expliquait l'ulema, yani Ta'al, viens, ou ça veut dire aussi Khouz, prends. Alors, Safwan, il a dit à ce bédouin, qu'est-ce que tu fais? Baisse ta voix quand tu es auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu as été interdit d'élever ta voix auprès de lui. Et là, il fait référence à quel verset? Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum. Hein? Le verset dans Sourate Al-Hujurat. Mais le bédouin, il ne le sait pas. Le bédouin, il n'a pas connaissance de cela. On va le voir ça après dans les enseignements du hadith. Alors le bédouin, il dit, non, je ne baisse pas ma voix. Hein? Et il lui dit, le bédouin, il pose la question au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'individu, il aime des personnes. Mais ces personnes, il ne peut pas atteindre les œuvres de ces personnes. Ces personnes font des œuvres que lui, il ne peut pas arriver à les atteindre. Comment il doit faire? فقال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète il dit alors, la personne sera avec celle qu'elle a aimée, يوم القيامة. Elle dit celle qu'elle a aimée dans cette dunya, elle sera يوم القيامة avec la personne qu'elle a aimée, يوم القيامة. فما زال يحدثون حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين عاما. قال سفيان أحد الرواة قبل الشام, خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. ورواه الحديث رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح وكذلك حسنه الإمام الألباني. Et donc ils n'ont pas cessé de parler. Zir, avec Safwan, ils n'ont pas cessé de parler. Jusqu'à que Safwan lui mentionne un hadith qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit qu'il y a une porte en direction de l'ouest qui a une largeur. Hein? Il y a un doute de celui qui rapporte le hadith. Il dit que la distance de sa largeur, hein, est de 40 ou 70 années. C'est-à-dire le temps qu'un cavalier met pour parcourir 40 ou 70 années la distance de la porte. Imaginez-vous la grandeur de la porte. Un cavalier pendant 40 ou 70 ans, et s'il y a un doute du rapporteur, hein, il avance, il voyage pendant 40 ou 70 ans. Combien de milliers et de milliers de kilomètres il va faire ? Ça, c'est la grandeur de la porte. Et Sofiane, un des rapporteurs du hadith, mentionne que cette porte se trouve en direction du Chem, la région au nord de l'Arabie Saoudite, qui correspond aujourd'hui à la Palestine, à la Syrie, à la Jordanie et au Liban. Le prophète dit, Allah a créé cette porte le jour où il a créé les cieux et la terre. Elle est ouverte pour quoi ? Pour la Tawba. Et là, c'est ça qui nous intéresse dans le hadith. Elle est ouverte pour Tawba et elle ne se ferme jamais jusqu'à que le soleil se lève, yani à l'ouest, yani jusqu'à Yom al-Qiyam, yani jusqu'à que vienne l'heure. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi et authentifié. Et l'imam al-Tirmidhi a dit qu'il est bon, authentique, et que l'imam al-Albani l'a jugé bon également. Taïeb, ça c'est juste la traduction du hadith. Alors, on va l'expliquer maintenant avec les enseignements, jazakallahu khairan, qu'on en retire. هذا الحديث من أحاديث التوبة التي ساقها المؤلف رحمه الله في بيان متى تنقطع التوبة لكنه يشتمل على فوائد. Donc ce hadith fait partie des hadiths concernant le repentir que l'auteur a mentionné dans ce chapitre. Et ici, ce chapitre ou ce hadith clarifie, hein, quand est-ce que Tawba s'arrêtera, quand est-ce que le repentir va s'arrêter. Hein, yani, quand l'heure viendra, quand le soleil se lèvera à l'ouest. Mais dans le hadith, il y a beaucoup d'enseignements, et on va en citer quelques-uns. Minha anna Zir ibn Hubaysh ata ila Safwan ibn Assal رضي الله عنه من أجل العلم يبتغي العلم فقال له صفوان بن عسال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب وهذه فائدة عظيمة تدل على فضيلة العلم وطلب العلم والمراد به العلم الشرعي أي علم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أما علم الدنيا فللدنيا لكن طلب العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه الثناء والمدح والحث عليه في القرآن والسنة وهو نوع من الجهاد في سبيل الله لأن هذا الدين قام بأمرين. نترجم أولا. Donc parmi ces enseignements, le fait que Zir ibn Hubaysh est venu voir Safwan ibn Assal radiallahu anhu pour une raison. C'est quoi la raison? Al-ilm, la science, la connaissance. Il n'est pas venu pour du commerce, pour un intérêt de ce bas monde. Il est venu pour l'ilm. Et lorsque Safwan a découvert ou a compris que Zir est venu seulement pour le ilm, il lui a dit, et certes les anges déposent leurs ailes pour l'étudiant en science par agrément de ce qu'il recherche, ni de la science. Et ceci, mes frères, pas de doute que c'est un bénéfice extraordinaire. C'est un enseignement extraordinaire qui montre le noble caractère, la noblesse de la science et dans le fait de rechercher la science. Et bien sûr, ici, mes frères et mes sœurs, le sens de la science, c'est quoi? La science légiférée, la science de la religion. C'est-à-dire la science avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Et non pas la science de la dunya. La science de la dunya, c'est pour la dunya. Mais la science, à la recherche de la science de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté, c'est cette science-là dont les éloges ont été faits, dont l'encouragement a été mentionné dans le Coran et la Sunna. Et cette science-là, cette recherche de cette science religieuse, elle est une catégorie du djihad. Al-djihad. Attention à ce mot qui, maintenant, Allah al-Musta'an, a été rendu ou a été mal interprété par beaucoup de personnes à cause des ennemis de l'islam qui ont voulu enlaidir ce mot-là, al-djihad, en faisant croire que le djihad c'est des actes de barbarie ou c'est des actes de terrorisme, etc. Non, al-djihad ça fait partie de l'islam, ça fait partie de la législation d'Allah Azza wa Jal et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais bien sûr, le djihad avec ses conditions, le djihad selon ce que le Coran et la sunna ont légiféré, et non ce que les autres fracassés là qui sont dans différents pays prétendent faire, que ce soit Boko Haram au Nigeria ou que ce soit Daesh en Syrie ou Al-Qaïda ou tous ces groupes égarés qui appellent au soi-disant djihad, mais qui sont loin du djihad. C'est pas ça le djihad. Al-Muhim, la recherche de la science fait partie du djihad, fi sabilillah, dans le sentier d'Allah. Car cette religion, elle a été établie sur deux choses principales. Qama bil ilm wal bayan wa bis silah, yani bis sayf wa sinan. La religion a été établie avec la science et avec la clarification, et aussi avec les armes, avec l'épée et les flèches. Comment l'islam s'est répandu? Avec les conquêtes. Avec les conquêtes. Mais aussi avec la science. Hatta inna ba'd al-ulama qal inna talab al-ilm afdalu min al-jihad fi sabilillah bis-silah. لأن حفظ الشريعة إنما يكون بالعلم والجهاد بالسلاح في سبيل الله مبني على العلم لا يسير المجاهد ولا يقاتل ولا يحجم ولا يقسم الغنيمة ولا يحكم بالأسرة إلا عن طريق العلم فالعلم هو كل شيء. Et certains savants ont même dit que la recherche de la science est meilleure et préférable que la lutte dans le sentier d'Allah avec les armes. Pourquoi? Car la préservation de la charia, de la législation, elle peut être faite qu'avec la science. La lutte, le jihad avec les armes dans le sentier d'Allah, doit être basé sur la science. Pourquoi ? Comment la personne qui lutte, comment la personne qui fait la guerre, fi sabilillah, peut se battre, peut partager le butin, peut savoir le jugement sur les prisonniers, etc. Comment peut-il savoir faire ces choses-là s'il n'a pas appris la science, le ilm ? Et regardez avec vos yeux ce qui se passe avec ces ta'banines, avec ces criminels et ces fatigués, et ces charlatans de Daesh et Al-Qaïda. Qu'est-ce qu'ils font ? En tuant des innocents, en torturant des femmes et des enfants, et autres, avec ignorance. Subhanallah, des choses abominables, des choses atroces ils ont fait sous le nom de djihad, alors que tout ce qu'ils ont fait n'ont rien à voir avec le djihad vis-à-vis d'Allah, mais ils l'ont fait sous l'ignorance, sous la passion et sous l'amour des biens de ce bas monde. Hein? Allahu al-musta'an. ولهذا قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وودعوا الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب واحتراما له وتعظيما له ولا يرد على هذا أن يقول القائل أنا لا أحس بذلك لأنه إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كالمشاهد عيانا. Et donc, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre au sens approché, et Allah élève ceux qui ont cru parmi vous, et ceux à qui la science a été donnée, il les élève en degré. Et donc le fait que les anges abaissent ou posent leurs ailes, ou rabaissent leurs ailes pour l'étudiant en science, par agrément de ce qu'il recherche, de ce qu'il étudie, et aussi par honneur pour lui, et par respect pour lui, et que ceci ne doit pas... Vous ne devez pas être trompé par la personne qui pourrait dire « Moi, je ne vois pas ça, je ne peux pas le voir, donc en gros, j'y crois pas. » Car tout ce qui est authentique de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si on l'avait vu avec nos yeux. Ici, mes frères, on est réunis aujourd'hui ou ce soir pour rechercher la science, pour apprendre la science du Coran et de la Sunna. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne al-ikhlas wal-qaboul, qu'Allah nous donne la sincérité dans notre recherche de la science et qu'il accepte de nous cela. Donc on espère, on a l'espoir en ce moment que les anges nous entourent et abaissent ou rabaissent ou posent leurs ailes par agrément de ce qu'on est en train de rechercher. Est-ce qu'un de vous peut le voir ? Impossible. Aucun de nous peut voir cela. Et donc certains pourraient dire, moi je ne le vois pas. Comme disent certains, pas moi je ne vois pas, je ne sais pas, je ne crois pas. Non. Car si l'information vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle est authentique, c'est comme si on le voyait de nos yeux. On doit le croire avec autant de conviction. Là, vous devez croire avec autant de conviction à cette information, comme si vous le voyez de vos yeux, même si vous ne le voyez pas. أرأيت قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألوني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له نحن لا نسمع هذا الكلام من الله عز وجل لكن لما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم صار كأننا نسمعه ولذلك يجب علينا أن نؤمن بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وبما صح عند مما يذكر في أمور الغيب، وأن نكون متيقنين لها كأنما نشاهدها بأعيننا ونسمعها بآذاننا. Il dit, voyez, ne vois-tu pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que notre Seigneur descend tabaraka wa ta'ala chaque nuit au premier ciel de la dunya lorsqu'il reste un tiers de la nuit. Et Allah dit, qui m'invoque afin que je puisse lui répondre? Qui me demande afin que je puisse lui donner? Qui me demande pardon afin que je puisse le pardonner? Et ce hadith, il est muttafaqun alayh, dans le Bukhari ou Muslim. Personne n'a de doute sur lui, sur ce hadith. Est-ce qu'on entend la parole de notre Seigneur à ce moment-là? Non, on n'entend pas. Mais comme l'information est authentifiée de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si on l'entendait. C'est pour ça qu'il nous est obligatoire, mes frères et mes sœurs, de croire à tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. Si ceci a été authentifié, tout ce qui concerne les choses de l'inconnu, de l'invisible, on doit le croire comme si on le voyait. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, on doit le croire sans aucun doute. Sans aucune hésitation, mes frères. Hein? On a parlé plusieurs fois, rappelez-vous, hein, de certaines personnes s'affiliant à l'islam et même s'affiliant à la science, se prétendant savant, rejeter des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme on l'a cité souvent, le hadith de la mouche. Certains pseudo-savants prétendent que non, le hadith de la mouche n'est pas acceptable. Il ne concorde pas avec notre esprit, notre logique. Lorsque le prophète a dit, lorsque la mouche tombe dans le verre, hein, replongez-la une deuxième fois dedans avant de l'enlever. Car dans une aile, il y a Adda, la maladie, et dans l'autre, il y a Addawa, le remède. Je dis non, ça on ne le prend pas. Ça, c'est pas logique. Ou alors ils te disent aussi le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la yuflihu qawmun, yani un peuple ne sera pas heureux, un peuple ne pourra pas réussir tant qu'une femme sera à la tête de ce peuple-là. Hadith authentique. Hadith dans le Bukhari ou Muslim. Ils disent non, ça on ne le prend pas. Regardez en Angleterre, Margaret Thatcher, hein, à l'époque, il y a des dizaines d'années. Elle était à la tête de l'Angleterre et c'était un pays qui était fort, puissant. Il rejette un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam en s'appuyant sur un pays de kufr et sur les kuffars. Subhanallah. Donc tout ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon authentique, on doit y croire. On doit avoir la ferme conviction et ne pas avoir un seul doute. On ne doit pas avoir une seule hésitation. Oui, peut-être, non, je ne sais pas, attends, je réfléchis. Non ! Sami'na wa ata'na, directement. On entend, on écoute, on obéit. Bien sûr, si c'est authentifié de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thumma dhakara Zirr ibn Ubaysh li Safwana ibn Assal رضي الله عنه أنه حك في صدره المسح على الخفين بعد البول والغائط. Ensuite, donc dans le hadith, hein, Zir, qui est un tabi'i, je vous rappelle, qui est mort en, on a dit, en quelle année? Qui a suivi? 81. Il a dit à Safwan ibn Assal, hein, j'ai quelque chose dans la poitrine, hein, qui... j'ai un doute, ou je ne suis pas sûr, concernant le fait de passer sur les chaussons, hein, après avoir uriné ou après avoir déféqué. Yani anna Allah ta'ala dhakara fil Qur'an قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فيقول إنه حك في صدري، أي صار عندي توقف والشك في المسح على الخفين بعد البول والغائط، هل هذا جائز أو لا؟ Ici, il mentionne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran au sens approché. Ô vous qui croyez, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes. Et passez vos mains mouillées sur vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Et donc il dit, il a quelque chose dans la poitrine. C'est-à-dire, hein, il y a un doute, il n'est pas sûr concernant le fait de passer sur les chaussettes ou les chaussons ou les chaussures ou le khouf, hein, le khouf c'est tout ce qui est porté aux pieds, c'est pas forcément ce qui est en cuir qu'on peut voir, les chaussettes en cuir, vous connaissez, hein, vous avez dû voir certaines personnes pour des chaussettes en cuir, on appelle ça khouf aussi en arabe, mais khouf dans le terme arabe c'est plus général, c'est tout ce qui est porté aux pieds. Donc il est pas sûr, il demande est-ce qu'il est permis d'essuyer dessus après avoir fait ses besoins. فبين له صفوان بن عسال رضي الله عنه أن ذلك جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا كانوا سفرا أو مسافرين أن لا ينزعوا خفافهم إلا من جنابة ولكن من غائط وبول والنوم فدل هذا على جواز المسح على الخفين بل إن المسح على الخفين أفضل إذا كان الإنسان لابسا لهما. Alors Safwan, compagnon du prophète, qui a accompagné le prophète dans des voyages, et plus, il lui clarifie, il lui explique. Ceci est permis, car le prophète nous a ordonné, lorsqu'on était en voyage, hein, de ne pas enlever nos chaussons, nos chaussettes ou nos chaussures, hein, excepté si on est en état de djanaba, de grande impureté, hein, après un rapport ou après que le mani soit sorti. Mais si c'est après avoir déféqué ou après avoir uriné ou après avoir dormi, alors ça c'est permis. C'est permis d'essuyer sur les chaussons. Même, il dit ici le chir, il est même préférable si tu as des chaussons d'essuyer dessus plutôt que de les enlever. Si tu as des chaussettes, des chaussons, des chaussures. Hein, on va voir les conditions après. On fait le cours et après je répondrai aux questions parce que je sais que vous avez beaucoup de questions sur le sujet. Parce que j'en suis sûr que la réponse à votre question va arriver, Inch'Allah. وقد ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأهوى المغيرة لينزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. والحديث عند مسلم والبخاري. إيمانسيون. Il est rapporté dans les deux authentiques le hadith de Al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu. Il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en voyage et le prophète a fait ses ablutions. Alors Al-Mughira il s'apprêtait à enlever les chaussons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il puisse laver ses pieds. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Laisse-les car je les ai mis et j'étais en état de pureté. Et ensuite il a essuyé par-dessus صلى الله عليه وسلم. ففي هذا دليل واضح على أن الإنسان الذي عليه جوارب أو عليه خفان أن الأفضل أن يمسح عليهما ولا يغسل رجليه. Et donc ceci est une preuve évidente, claire, que la personne qui a des chaussettes ou qui a des khouf, hein, ce qu'on porte aux pieds, il est meilleur qu'il essuie dessus plutôt qu'il les enlève et qu'il lave ses pieds. ومنها أنه ينبغي إذا أشكل على الإنسان شيء أن يسأل ويبحث عمن هو أعلم بهذا الشيء. Également parmi les enseignements de ce hadith, il est impératif que la personne qui a un problème dans un sujet qu'il demande et qu'il recherche vers les personnes qui sont plus savantes que lui, qui savent plus que lui. حتى لا يبقى في قلبه حرج مما سمعه لأن بعض الناس يسمع شيء من الأحكام الشرعية ويكون في نفسه حرج فيبقى متشككا مترددا لا يسأل أحدا يزيل عنه هذه شبهة وهذا خطأ بل الإنسان ينبغي له أن يسأل حتى يصل إلى أمر يطمئن إليه ولا يبقى عند قلق عنده قلق Et donc, il doit demander afin qu'il ne reste pas dans son cœur une gêne de ce qu'il a entendu. Certaines personnes, ils entendent une chose à propos de la religion, à propos des jugements de la religion, et dans son cœur, il y a quelque chose qui dérange, il y a une gêne. Il n'a pas bien compris, il est douteux sur cette chose. Et il ne demande pas. Il ne demande pas à qui est plus savant que lui pour ça. Et donc dans son cœur, il reste cette ambiguïté, ce doute. Il sent cette gêne. Ça, c'est une erreur. Il n'y a pas de doute que ceci est une erreur. Mais plutôt, la personne, elle est impératif pour elle. S'il y a quelque chose qui le gêne, qui le dérange, qu'il n'a pas compris ou qu'il a un doute, qu'il va demander afin que son cœur soit apaisé et qu'il ne reste pas de gêne dans son cœur. فهذا زر بن حبيش رحمه الله سأل صفوان بن عسال رضي الله عنه عن المسح للخفين وهل عنده شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرانا ومسافرين أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم Qu'est-ce qu'il a fait Zir ibn Hubaysh Qu'est-ce qu'il a fait Il a demandé à Safwan, radiallahu anhu, à propos du fait de passer sur les chaussures, ou les chaussettes, ou les chaussons. Il avait quelque chose dans son cœur, qu'il ne comprenait pas, ou qu'il avait un doute, il est parti lui demander, « Est-ce que tu connais quelque chose du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam ?» Alors il a dit, « Oui, le prophète nous a ordonné de ne pas enlever nos chaussures, ou nos chaussettes, ou nos chaussons, excepté si on est en état de grande impureté. Mais si on fait nos besoins, ou si on dort, On peut passer dessus. فهذا الحديث فيه دليل على ثبوت المسح للخفين وقد تواترت الأحاديث عن الرسول في ذلك وأخذ بهذا أهل السنة حتى إن بعد أهل العلم الذين صنفوا في كتب العقائد ذكروا المسح للخفين في كتاب العقائد وذلك لأن الرافضة وذلك لأن الرافضة خالفوا في ذلك فلم يثبتوا المسح للخفين وأنكروه والعجب أن ممن روى المسح للخفين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه Et donc dans ce hadith, il y a une preuve sur l'affirmation qu'il est permis d'essuyer sur les chaussettes ou les chaussures ou les chaussons. Et les hadiths sont très nombreux sur le sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est la voix des gens de la sunna à tel point que certains savants quand ils ont écrit des livres dans la croyance ils ont mentionné ce sujet dedans dans les livres de croyance de Aqida ils ont mentionné le sujet sur le fait de passer les mains sur les chaussettes pourquoi parce que al-Rafida al-Shi'a on contredit les gens de la sunna sur ce sujet et ont rejeté le fait de passer les mains sur les chaussons et l'ont interdit et l'ont renié et ce qui est le plus surprenant c'est que parmi ceux qui ont rapporté ce sujet il y a qui Ali ibn Abi Talib et qui est Ali pour les shi'as ils l'ont élevé certains l'ont élevé au rang de divinité carrément Ali le rapporte mais eux ils le rejettent Donc les Shia, subhanallah, les Shia, ils ne passent pas les mains sur ils disent ça, c'est contraire à l'islam. Et ce qui est plus agib chez les Shia, c'est qu'eux, ils ne lavent pas les pieds. Ils passent les pieds dessus, c'est tout, les mains. Un shi'i, ceux qui sont en Iran, en Irak, au Liban et dans certains pays, et qui commencent à infiltrer le Sénégal, à A'oudhou billah, qu'Allah nous préserve de leur poison, quand ils font les ablutions, ils ne lavent pas les pieds. Il passe comme ça, comme toi tu passes sur tes chaussettes, il passe sur l'empire. leurs impulsions n'est pas valide. Toutes leurs prières ne sont pas valides parce que leurs impulsions ne sont pas valides. Al-Muhim, c'est pas le sujet du cours. On fait l'adhan, inshallah, jazakumullah khairan. On termine rapidement ce passage. Il nous dit وَمَعَ ذَلِكْ هُمْ يُنْكِرُونَهُ وَلَا يَقُولُونَ بِهِ فَكَانَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَيْنِ مِنْ شِعَارِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَمِنَ الْأُمُورِ الْمُتَوَاتِرَةِ عِنْدَهُمْ الَّتِي لَيْسَ عِنْدَهُمْ فِيهَا الشَّكُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Malgré ceci, malgré que Ali rapporte le hadith ou un des hadiths sur le sujet, eux ils renient celui-ci, ils rejettent ceci et ils ne voient pas qu'il est permis d'essuyer sur les chaussons, yani al-shi'a. Mais l'essuyage sur les chaussons fait partie des emblèmes des gens de la sunna. Et parmi les choses qui sont répandues chez les gens de la sunna, et fait partie des sujets où il n'y a aucun doute que ceci provient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si je ne me trompe pas, c'est le Hassan al-Basri. Al-Hassan al-Basri, radiyallahu, rahimahullah ta'ala. Al-Hassan, il est mort, hein? Abdullah, il n'est pas là, Abdullah, pour nous aider, là. 110 de l'Egir. C'est un tabi'i. Al-Hassan est un tabi'i. Al-Hassan, il a dit, j'ai entendu de 70 compagnons le fait de passer les mains sur les chaussons et ou sur les chaussettes. 70 compagnons. Pour vous dire, c'est mutawatir, c'est répandu. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليس في قلبي من المسح شك أو قال شيء فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولكن لا بد من شروط لجواز المسح على الخفين وهذا للأسبوع القادم إن شاء الله. Et l'imam Ahmed a dit رحمه الله تعالى il n'y a pas dans mon cœur le moindre doute concernant le fait de passer les mains sur les chaussons, sur les chaussettes. Il a dit également qu'il avait plus de 40 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons sur le sujet. Et ensuite le Cheikh Al-Uthaymin, rahimallahu ta'ala, il mentionne les conditions pour passer sur les chaussettes. Et ça, on va le laisser pour la semaine prochaine, c'est un peu long. Même si ce n'est pas le sujet du chapitre, on est dans le chapitre Tawbah, mais comme le hadith est venu, il est bien de clarifier ce sujet qu'on étudiera, inshallah, la semaine prochaine et on terminera le hadith la semaine prochaine, bi-idhnillah. فجزاكم الله خيرا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.